Radiomatique. Life for a lie, and so we took and we took, and we never stopped to ask why. But we will not run and hide. We will pray to our mother to let her tears flow. We will pray for the water to come back. To wash us, to let grow. The youth hold inside of them the secrets we forgot. Our music that we are made of can never be silenced. Can never be stopped. Children. We are the tribe of the wild and the untamed. Faces, races, the unseen and unnamed. We will not run and hide. And the time has come to end this taking. And we reclaim our home. Earth, we are the flesh, her spirit, our bones. And we are the protector of our mother. And so we will drink from her wisdom and bathe in her light. Because we are the untamed.

Nous avions droit à Audiomatic, au collectif Fear, qui est basé à Montréal et qui est mené par le saxophoniste et compositeur électroacoustique américain Jason Sharp et l'écrivain poète canadien Kai Kello, du premier album homonyme de Fear, paru le 5 avril 2024 sur l'étiquette Constellation. Nous entendions la chanson Mercury Looms. Précédemment à Fear, il s'agissait de l'artiste américaine Angelica Garcia et la chanson Elke, tirée de son tout dernier album Yemelo, qui est sorti le 7 juin 2024. Audiomatic se poursuit maintenant sur la musique de la formation Sigur Rós. Audiomatique, nous venons tout juste d'entendre le trio mené par le trompettiste Ambrose Akinmusire pour son plus récent album All Song, duquel nous écoutions la composition Flux Fuelings. Avant Ambrose Akinmusire, c'était la formation islandaise Sigur Rós, de qui nous entendions la pièce Flugufrelsarin, tirée de l'album Oketis Birjun. À Audiomatique, nous poursuivons cette fois avec le Will Gregory Moog Ensemble. clad in leather, September weather. I tagged along on your family getaway. Miles of pine, gold Land Cruiser, 1988. Your mother, the captain, dressed to a T. She had every reason to be. C'était à Audiomatic la formation suédoise Shell van der Tonbruket, qui est en fait la collaboration entre le groupe Tonbruket et l'artiste Christian Shell van der, de leur deuxième album lancé en 2023 et intitulé Fossils. Nous écoutions la chanson September Weather. Et pour débuter cette séquence, nous vous avons offert la musique du Will Gregory Moog Ensemble, qui est bien sûr mené par l'artiste anglais Will Gregory, l'un des deux membres du duo Goldfrapp. Du deuxième et plus récent album du Will Gregory Moog Ensemble, intitulé Heat Ray, et paru le 14 juin 2024, nous vous avons offert la pièce The Claw. Audiomatic se conclura sur une composition du projet Oh Foy, soit Cold Sun, qui est une pièce exclusive à la compilation Cryosphere produite en 2006 par l'étiquette de disque Glacial Movement. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomaticcfou. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc pour terminer le projet Oh Foy et la composition Cold Sun. C'était Audiomatic avec les Sonoristes.